approcher. Les fêtes vont bientôt arriver. Décembre, avril, peu importe le mois. Septembre, janvier, peu importe pour moi. Il n'y a personne dans mes bras. Et je cache lentement ma souffrance devant la dinde que ma mère a fourrée. Mon Noël est perdu d'avance quand mon plus beau des cadeaux est d'aimer. Et que mon corps en est privé. Pas envie de me toucher dans la jungle, le sexe est mort ce soir. Les cadeaux, les étoiles par milliers, et en haut du sapin, mon désespoir. Ma joie et ma forme vous sont offertes. Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes.